Nombre chapitre 15. Puis l'Éternel parla à Moïse, en disant, parle aux enfants d'Israël, et leur dis, quand vous serez entrés au pays où vous devez demeurer, lequel je vous donne, et que vous voudrez faire un sacrifice par feu à l'Éternel, un holocauste, ou un autre sacrifice, pour s'acquitter de quelque vœu, ou volontairement, ou dans vos fêtes solennelles, pour faire une offrande de bonne odeur à l'Éternel, du gros ou du menu bétail. Celui qui offrira son offrande à l'Éternel, offrira avec elle un gâteau de fleurs de farine d'une dixième, pétri avec la quatrième partie d'un hin d'huile, et la quatrième partie d'un hin de vin, pour l'aspersion que tu feras sur l'holocauste, ou sur quelque autre sacrifice, pour chaque agneau. Que si c'est pour un bélier, tu feras un gâteau de deux dixièmes de fleurs de farine, pétri avec la troisième partie d'un hin d'huile, et la troisième partie d'un hin de vin pour l'aspersion, que tu offriras en bonne odeur à l'Éternel. Et si tu sacrifies un veau en holocauste, ou tel autre sacrifice pour t'acquitter de quelque vœu important, ou pour faire un sacrifice de prospérité à l'Éternel, on offrira avec le veau un gâteau de trois dixièmes de fleurs de farine, pétri avec la moitié d'un hin d'huile. Et tu offriras la moitié d'un hin de vin pour l'aspersion, en offrande faite par feu, de bonne odeur à l'Éternel. On en fera de même pour chaque taureau, chaque bélier, et chaque petit d'entre les brebis et d'entre les chèvres. Selon le nombre que vous en sacrifierez, vous ferez ainsi à chacun, selon leur nombre. Tous ceux qui sont nés au pays, feront ces choses de cette manière, en offrant un sacrifice fait par feu, en bonne odeur à l'Éternel. Que si quelque étranger, ou quelque autre parmi vous, qui, faisant son séjour avec vous, en vos âges, fait un sacrifice par feu, en bonne odeur à l'Éternel, il fera comme vous ferez. Ô assemblée, il y aura une même ordonnance pour vous, et pour l'étranger qui fait son séjour parmi vous, il y aura une même ordonnance perpétuelle en vos âges, il en sera de l'étranger comme de vous en la présence de l'Éternel. Il y aura une même loi et un même droit pour vous, et pour l'étranger qui fait son séjour parmi vous. L'Éternel parla aussi à Moïse, en disant, parle aux enfants d'Israël, et leur dis, quand vous serez entrés au pays où je vous ferai entrer, et que vous mangerez du pain du pays, vous en offrirez à l'Éternel une offrande élevée. Vous offrirez en offrande élevée un gâteau pour les prémices de votre pâte, vous l'offrirez à la façon de l'offrande élevée prise de l'air. Vous donnerez donc, en vos âges, à l'Éternel, une offrande élevée prise des prémices de votre pâte. Et lorsque vous aurez péché par erreur, et que vous n'aurez pas fait tous ces commandements que l'Éternel a donnés à Moïse, tout ce que l'Éternel vous a commandé par le moyen de Moïse, depuis le jour que l'Éternel a commencé de donner ses commandements, et dans la suite en vos âges. S'il arrive que la chose ait été faite par erreur, sans que l'assemblée l'ait aperçue, toute l'assemblée sacrifiera en holocauste, en bonne odeur à l'Éternel, un veau pris du troupeau, avec son gâteau et son aspersion, selon l'ordonnance, et un jeune bouc en offrande pour le péché. Ainsi le sacrificateur fera propitiation pour toute l'assemblée des enfants d'Israël, et il leur sera pardonné, parce que c'est une chose arrivée par erreur, et ils amèneront devant l'Éternel leur offrande, qui doit être un sacrifice fait par feu à l'Éternel, et l'offrande pour leur péché, à cause de leur erreur. Alors il sera pardonné à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et à l'étranger qui fait son séjour parmi eux, parce que cela est arrivé à tout le peuple par erreur. Que si une personne seule a péché par erreur, elle offrira en offrande pour le péché une chèvre d'un an. Et le sacrificateur fera propitiation pour la personne qui aura péché par erreur, de ce qu'elle aura péché par erreur devant l'Éternel, et, faisant propitiation pour elle, il lui sera pardonné. Il y aura une même loi pour celui qui aura fait quelque chose par erreur, tant pour celui qui est né au pays des enfants d'Israël, que pour l'étranger qui fait son séjour parmi eux. Mais, quant à celui qui aura péché par fierté, tant celui qui est né au pays, que l'étranger, il a outragé l'Éternel, cette personne-là sera retranchée du milieu de son peuple. Parce qu'il a méprisé la parole de l'Éternel, et qu'il a enfreint son commandement, cette personne donc sera certainement retranchée, son iniquité est sur elle. Or les enfants d'Israël, étant au désert, trouvèrent un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Et ceux qui le trouvèrent ramassant du bois, l'amenèrent à Moïse et à Aaron, et à toute l'assemblée. Et on le mit en garde, car il n'avait pas encore été déclaré ce qu'on lui devait faire. Alors l'Éternel dit à Moïse, on punira de mort cet homme-là, et toute l'assemblée le lapidera hors du camp. Toute l'assemblée donc le mena hors du camp, et ils le lapidèrent, et il mourut, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et l'Éternel parla à Moïse, en disant, parle aux enfants d'Israël, et leur dis, qu'ils se fassent d'âge en âge des bandes aux pans de leurs vêtements, et qu'ils mettent sur les bandes des pans de leurs vêtements, un cordon de couleur de pourpre. Ce cordon sera sur la bande, et, en le voyant, il vous souviendra de tous les commandements de l'Éternel, afin que vous les fassiez, et que vous ne suiviez point les pensées de votre cœur, ni les désirs de vos yeux, en suivant lesquels vous paillardez. Afin que vous vous souveniez de tous mes commandements, et que vous les fassiez, et que vous soyez saints à votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai retiré du pays d'Égypte, pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu.